I want to share on a very, very important conversation. Je désire partager sur une conversation très, très importante. And I'm going to describe two visions of the Lord. Et je m'en vais décrire deux visions du Seigneur. And based on the two visions, et basé sur ces deux visions, I will open it up for you on the instruction God is giving to the church. Je veux dévoiler pour vous les instructions que le Seigneur donne à l'Église. I am going to go back to the vision of July 29, 2009. Je vais retourner à la vision du 29 juillet 2009. When we were traveling and we reached Johannesburg, we were going for the big revival in Venezuela. Quand nous étions en train de voyager et que nous nous sommes arrêtés à Johannesburg dans notre trajet pour le grand réveil du Venezuela. And in that vision of the Lord. Et dans cette vision du Seigneur. The Lord for the first time. Le Seigneur pour la première fois. At that time. Dans ce temps. Spoke to me about the bloodshed you see in the Arab world. M'a parlé à propos de l'effusion de sang dans le monde arabe. When he showed me the release of the pale horseman. Quand il m'a montré le relâchement du cheval verdâtre. And then in the same vision, part two of the vision, there were two parts of that vision. Et ensuite, dans la même vision, la partie 2 de cette vision, il y avait deux parts dans cette vision. Then I finally see the church that is raptured. Ensuite, j'ai finalement vu l'église qui était enlevée. And that was the first time I saw the church inside heaven. Et c'était pour la première fois que j'ai vu l'église à l'intérieur des cieux. I have seen the church taken. I've seen the Lord has shown me the church as he takes the church. J'ai vu l'église enlevée et le Seigneur m'a montré lorsqu'il enlève l'église. But I had never seen the church inside heaven. Mais je n'avais jamais vu l'église à l'intérieur des cieux. And there is a very important reason why I want to pull that vision into this conversation. Et il y a une raison très importante pour laquelle je désire mettre cette vision dans cette conversation. And I said. Et j'ai dit that when I saw the church from where the Lord lifted me up to see the church in heaven, que quand j'ai vu l'église de là où le Seigneur m'a élevé pour voir l'église dans les cieux, from that place, de cette place, I saw them all assembled before the throne. Je les ai vus tous comme un symbole devant le trône. And they were worshiping before the king. Et ils étaient en train d'adorer devant le roi. And from where I was, et de là où j'étais, I saw that as they worshipped, j'ai vu qu'ils adoraient. They were in unison. Ils étaient en unisson. And they all went towards one side together like this. Et ils allaient tous dans un côté comme ceci. And they went like this also. Et ils allaient aussi comme ça aussi. So from where the Lord had lifted me up to see this. Alors de là où le Seigneur m'a élevé, j'ai vu ceci. Every time they went in one side like this. Tout le temps, ils allaient d'un côté comme ceci. Their garments, their clothes. Ils étaient vêtus. Were so glorious. Était si glorieux that as they went like this, que quand ils marchaient comme ceci, it emitted the glory of God. Émettait la gloire de Dieu. And from where I was, et depuis là où j'étais, it was more like flashes of cameras, so many thousands of cameras, several cameras flashing at the same time. C'était comme des flashs de caméras. Il y a tellement des milliers de petites lumières qui flashaient comme ceci. The glory that came from their garments. La gloire qui venait de leurs vêtements. It was so mighty. Était si puissante. It was so radiant. Était si rayonnante. That it actually gave out flashes. Que ça actuellement donnait des flashs. I move to the next part. Je vais à la partie suivante. This is the foundation I'm laying for today's message. C'est la fondation établie pour le message d'aujourd'hui. So, there are two things I want to pull out. Alors, il y a deux choses que j'aimerais sortir from that vision. De cette vision. So it may help the message that the Lord has sent me to bring to you. Alors ça peut aider pour le message que le Seigneur m'a envoyé vous apporter. Number one. Numéro un. I did not know all along. Je ne savais pas tout le long. I have seen the Lord in the vision take the church. J'ai vu le Seigneur dans une vision enlever l'église. I have given this on radio, on TV, where you are familiar with this message. J'ai donné ceci à la radio, à la télévision, partout. Vous êtes familier avec ceci. And the description that I've given. Et la description que j'ai donnée. I've also talked about the rapture of the dead church, those who are buried. Right now. Parle à propos de l'enlèvement de l'église décédée, ceux qui sont en train de dormir juste maintenant. But listen to this. Mais écoutez ceci. I always saw the church, the glorious church going glorious. J'ai toujours vu l'église aller, la glorieuse église aller, glorieuse. But I've never known. Mais je n'ai jamais su. I used to think the glorious body is the glorious gown. J'ai eu l'habitude de penser le corps glorieux, c'est la robe glorieuse. But in that vision of July 29, 2009, mais dans cette vision du 29 juillet 2009, I was lying down on the airport in Johannesburg. I was sleeping with my bag like this. Je dormais avec mon sac comme ça, sur le sol, comme ceci. Listen to this. Écoutez ceci. I saw their glorious garment. J'ai vu le glorieux vêtement. So you will have the glorious body. Alors, vous aurez le corps glorieux. But you will also have a glorious garment. Mais vous allez aussi avoir un vêtement glorieux. And listen to this. Alors écoutez ceci. When I saw the glorious garment as they worshiped before the throne. Quand j'ai vu les glorieux vêtements alors qu'ils adoraient devant le trône, I also saw the following. J'ai aussi vu ce qui suit. The glorious garment is long. Le glorieux vêtement est long. The long glorious garment. Le glorieux vêtement long. Then I saw that when it reached down there, it flowed a little bit out. It flowed. Alors j'ai vu quand ça descend que ça s'élargit un peu. It is long, but that when it reaches down, it flows a bit. They call it the train of the garment. C'est long. Et quand ça arrive par terre, ça s'élargit un peu. Ça s'appelle la traîne de ce vêtement. And the garment was radiating the glory of God. Et le vêtement rayonnait la gloire de Dieu. But anyhow, mais qu'importe, I want to bring in the second vision and then I'll combine the two and give the message. Je vais vous donner la seconde vision et ensuite je vais combiner les deux et vous donner le message. April. Avril. It was April 4th. C'était le 4 avril. 2011. Listen very carefully. 2011. Écoutez très attentivement. Again, the Lord visited with me in a very mighty way. Et encore, le Seigneur a eu une visite avec moi d'une manière très puissante. Jehovah, the God of Israel. Jéhovah, le Dieu d'Israël. The God of our Lord Jesus. Le Dieu de notre Seigneur Jésus. He visited with me. Il m'a visité in a very unusual way. D'une manière très inhabituelle. To speak with me about the coming of the king. Pour parler avec moi à propos de la venue du roi. The coming of the Messiah. La venue du Messie. The coming of the Lord. La venue du Seigneur. But what did the Lord say in that vision? Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit dans cette vision? I'm going to describe it again. Je vais décrire ceci encore. In that vision of April 4th, dans cette vision du 4 avril, I was asleep. Je dormais. And then all of a sudden, et ensuite, soudainement, let me describe to you how the Lord operates. Laissez-moi vous décrire comment le Seigneur a opéré. He first makes you go to sleep. Il vous fait dormir. So he can arrest you. Alors il peut vous arrêter. And then now without prejudice. Et maintenant, sans préjudice, without opinionation. Sans opinion. Opinionated. You know, we are very opinionated people. Vous savez, nous avons beaucoup d'opinions, nous les gens. So now he can show you what he wants and instruct you the way he wants. De là, il peut vous montrer ce qu'il désire et vous instruire sur la manière de ce qu'il désire. Alors comme je dormais, comme je dormais, tout à coup j'ai été dans une vision. That's how the visions happen. You wake up in a place, you find yourself walking or in heaven or wherever it is the Lord takes you. C'est de cette manière qu'une vision arrive. Vous vous réveillez à une place et vous vous trouvez en train de marcher, que ce soit au ciel ou là où le Seigneur vous transporte. But in that vision, I found myself looking into the sky. Mais dans cette vision, je me suis trouvé en train de regarder dans les cieux. And then all of a sudden, heaven opened like this. Et ensuite, soudainement, le ciel s'est ouvert comme ceci. In the sky. Dans les cieux. And when heaven opened in the sky, et quand les cieux se sont ouverts dans le ciel, then I saw the glory of the Lord behold the sky. Alors j'ai vu la gloire du Seigneur dans le ciel. And the glory was such that, et la gloire était telle que it was within the threshold of the entrance that opened. C'était à l'intérieur du seuil qui était ouvert. And when I looked very carefully, et quand je regardais très attentivement, I saw part of the glory coming out into the sky. J'ai vu une part de la gloire sortir dans le ciel. But when I looked more carefully, mais quand je regardais plus attentivement, and what you would say, Allah, et ce que vous allez dire, c'est quelle surprise, I realized it was a cloth. J'ai réalisé que c'était un habit. A cloth. Un habit. J'ai réalisé que c'était un habit. I realized it's a cloth. Wow, that's a cloth. J'ai réalisé que c'était un habit. Wow, c'était un habit. It was a glorious cloth. C'était l'habit glorieux. And look at this. Et regardez à ceci. Only later as I continued looking there. Un moment plus tard, quand j'ai continué à regarder là, is when I realized it was from here, a region from here to a little bit past the elbow here. Alors j'ai réalisé que c'était depuis là pour un petit peu plus bas que les chevilles là. And it was like he did this again inside heaven in the sky open like this. Encore, à l'intérieur des cieux, dans le ciel ouvert, comme ceci. And the tremendous glory that beheld the cloth. Et la très grande gloire qui éclaire l'habit. And he made me know, as I saw, he made me know. Et il m'a laissé savoir, comme je voyais, il m'a laissé savoir. He made me know in my heart, he made me know. Il m'a laissé savoir dans mon cœur, il m'a laissé savoir. You know, when the Lord speaks to you, he deposits some things in your heart to help you understand what he's trying to say. Vous savez, quand le Seigneur me parle, il dépose quelque chose dans votre cœur pour vous aider à comprendre ce qu'il va dire. So he made me know. Alors, il m'a fait savoir. That this is about the coming of the Messiah. Que c'est à propos de la venue du Messie. So I want to combine those two visions. Alors je veux combiner ces deux visions. And then give you the message the Lord has sent me with. Et ensuite vous donner le message pour lequel le Seigneur m'a envoyé. So what is the message that is resonating from those two conversations? Alors quel est le message qui résonne de ces deux conversations? I want to walk step by step. Je désire marcher pas à pas. You see, in the past conversation, vous voyez, dans la première conversation, the Lord showed me the church has entered. She has now entered. Le Seigneur m'a montré l'église enlevée. Elle est maintenant enlevée. And you are the church. Et vous êtes l'église. But look, they have entered. Et alors regardez, ils sont entrés. But the main feature, mais la figure principale of that conversation, dans cette conversation, if you follow very carefully, the main feature, si vous suivez très attentivement la figure principale in that July 29th conversation, dans cette conversation du 29 juillet, the worship, leur adoration and the glorious garment, et l'habit glorieux. You follow the second conversation. Vous suivez la seconde conversation. It's also about the glorious garment. C'est aussi à propos du vêtement glorieux. I can now combine one thing that is common about the two visions. Je peux maintenant combiner quelque chose à propos des deux visions. Glorious garment, glorious garment. Glorieux vêtement, glorieux vêtement. In the two visions. Dans les deux visions. So in those conversations, what is the message the Lord is resonating forth? Dans ces conversations, quel est le message que le Seigneur fait ressortir? Step by step. Pas à pas. I am going to read for you. Je m'en vais lire pour vous. A scripture in the Bible. Un texte dans la Bible. But before I read it. Mais avant que je le lise. I want to lay the following foundation. Je désire mettre en place cette conversation suivante. When you look at the children of Israel. Quand ils regardent aux enfants d'Israël. The Lord, the way he operated with them. Le Seigneur. La manière dont il fonctionne avec eux, il expose un certain standard of engaging with them, d'engagement avec eux, of communicating with them, de communication avec eux, of worship, d'adoration. One of the standards is this. Un des standards est ceci. The Lord God Almighty, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, when he wanted the house of Jacob to worship him, quand il désirait que la maison de Jacob l'adore, he gave specific instructions of worship. Il a donné des instructions spécifiques d'adoration. How the worship should be done. Comment est-ce que l'adoration doit commencer? And listen to what the Lord said. Et écoutez ce que le Seigneur a dit. In one of the moments, et un des moments, they had built the tent of meeting like this. Ils ont construit la tente de réunion comme ici. And raised for the Lord an altar. Et ont élevé pour le Seigneur un autel. And the Lord spoke to Moses. Et le Seigneur a parlé à Moïse. And he told Moses, et il a dit à Moïse que maintenant la tente a été élevée sur une colline. He told him, il lui a dit that now I want you to go, que maintenant je désire que tu ailles, go to the house of Jacob, va dans la maison de Jacob, and when you go in there, et quand tu vas là, pull out. Sors. Pull out for me. Sors pour moi. Aaron, your brother. Aaron, ton frère. And prepare Aaron. Va et prépare Aaron. How to prepare Aaron? Pour préparer Aaron. The Lord gave specific instructions. You'll see. Le Seigneur a donné des instructions très spécifiques. Vous allez voir. But why would Aaron have to be prepared? Mais pourquoi est-ce que Aaron aurait à être préparé? Because. Parce que the Lord said, le Seigneur a dit, prepare for me, Aaron, prépare Aaron pour moi, your brother, ton frère and his son, et son fils, because parce que I want to make them a priesthood, parce que je veux faire d'eux une prêtrise. I want them to be priests, je désire qu'ils soient prêtres. So they can appear before me. Alors ils peuvent apparaître devant moi. And when you look at the discourse, the conversation, et quand vous regardez au discours, à la conversation, there were specific things that were supposed to prepare Aaron. Il y avait des choses spécifiques qui étaient supposées préparer Aaron. That Aaron may now appear. Pour que Aaron puisse maintenant apparaître. Before Jehovah. Devant Jéhovah. I know some of you already beginning to understand. Je sais que quelques-uns d'entre vous commencent à comprendre. And so you begin to understand the protocol of God. Alors vous commencez à comprendre le protocole de Dieu. That God has protocol. Que Dieu a un protocole. That before man appears before him. Que avant que l'homme apparaisse devant lui, there has to be a systematic protocol. Il doit y avoir un protocole systématique. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple. If the president of this nation, si le président de cette nation invited you, one person, you, vous invitait, cette personne, vous, you received a letter, a letter, you received a letter, a written letter. Vous allez recevoir une lettre, une lettre. Vous allez recevoir une lettre écrite. Saying you have been invited to go to the palace. Disant, vous êtes invité à aller au palais. I'm sure you would want to know, what should I do? What are the things, how should I wear? Whatever, right? Je suis sûr que vous allez dire, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les choses? Qu'est-ce que je dois mettre? Et quoi que ce soit, juste? So you understand what I'm talking about. Alors vous comprenez de quoi je suis en train de parler. The Lord set out a protocol. Le Seigneur énonce le protocole. That before any man can appear before him. Avant que qui que ce soit apparaisse devant lui, he had to be prepared in a certain way. Il a à se préparer d'une certaine manière. Why would you need to be prepared? Pourquoi est-ce que je dois être préparer. You can just get up and go. Vous pouvez juste vous lever et aller. But listen to me. Mais écoutez-moi. You have to be prepared. Vous avez à être préparé. You have to be prepared. Vous avez à être préparé. Aaron had to be prepared. Aaron a à être préparé. That when Aaron appears there, pour que quand Aaron apparaît là, he may have favor with the Lord. Il puisse avoir la faveur avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. So precious people, alors, précieux peuple, you begin to understand, vous commencez à comprendre that there's a very deep message to the church, qu'il va y avoir un profond message pour l'Église. In this conversation, dans cette conversation, we are going to read the first, second scripture, then I'll come back with the explanation. Nous allons commencer à lire une première et un second texte. Et ensuite, je vais revenir avec l'explication. Turn with me the book of Genesis. Tournez avec moi au livre de Genèse. Remember, my target is the book of Exodus 28, but we're beginning Genesis. Souvenez-vous, ma cible est le livre d'Exode 28, mais nous commençons Genèse. Turn with me to Genesis chapter 3, verse 21. Tournez avec moi à Genèse. Chapitre 3, verset 21. I am going to read from Amplified. Je vais lire de la version amplifiée. For Adam also and for his wife. Pour Adam aussi et pour sa femme. The Lord God made long coats. Le Seigneur Dieu a fait des longs manteaux. Tunics of skins and clothed them. Fait de peau et les en a revêtus. Long tunics. De longues tuniques. Of skin. De peau. And clothed them. Et les en a revêtus. But listen to this precious people. Mais écoutez ceci, précieux peuple. Adam was walking in the garden of Eden. Adam marchait dans le jardin d'Éden. In the presence of Jehovah God. Dans la présence de Jéhovah Dieu. To the extent that the Bible says, in the cool of the day, Adam walked with God. Au point que la Bible dise, dans la fraîcheur du jour, Adam marchait avec Dieu. Which means Adam was in the presence of the Lord. Ce qui signifie que Adam était dans la présence du Seigneur. He was walking in the presence of God's glory. Il était en train de marcher dans la présence de la gloire de Dieu. And in that walk, et dans cette marche, as you can imagine before the fall, comme vous pouvez l'imaginer avant la chute, he was walking right. Il marchait droit. That's the only way he could walk with the Lord. C'est la seule manière où il pouvait marcher avec le Seigneur. But if you look at the verses before verse 21, mais si vous regardez au verset précédent, le verset 21, verse 7, verse 10. Le verset 7, le verset 10. So you find, alors vous trouvez that Adam was in the presence of Jehovah. Que Adam était dans la présence de Jéhovah. Right Adam, there. Juste là. But when man fell, mais quand l'homme est tombé, quand l'homme a déchu, it's amazing, c'est étonnant that all of a sudden, que soudainement, they found out by themselves, ils ont découvert par eux-mêmes that they were naked, qu'ils étaient nus. They found out that they were naked. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. And so the Lord was trying to retrieve them. Where are you? Alors le Seigneur essayait de les retrouver. Où êtes-vous? Where are you? Où êtes-vous? And then he replied from somewhere. Et ensuite il a répondu depuis quelque part. Here I am. Je suis ici. I am hiding here. Je me cache ici. And then, et ensuite, you see in the process of trying to retrieve them, vous voyez, dans le procédé de les retrouver, the first thing the Lord does, la première chose que Dieu fait, is to slaughter an animal, c'est de tuer un animal and cover them first. Et de les couvrir, premièrement. Clothe their nakedness first. De vêtir leur nudité, premièrement. And then after that, you see the conversation with Jehovah. Et après cela, vous voyez la conversation avec Jéhovah. Some of which is judgment. Certains de ses jugements. But the Lord was not speaking with them. Et alors le Seigneur leur parlait. That was way back in the Garden of Eden. C'était pour retourner au jardin d'Eden. And so you begin to understand something. Alors vous commencez à comprendre quelque chose. That in the protocol of God, que dans le protocole de Dieu, we must always clothe. Nous devons toujours être vêtus. We must always be prepared. Nous devons toujours être préparé to come before him. Pour venir devant lui. Let me read the next scripture. Laissez-moi lire le texte suivant. And then I'll combine the two. Et ensuite, je veux combiner les deux. The book of Exodus, chapter 28. Le livre d'Exode, chapitre 28. Step by step. Pas à pas. One by one. Un à un. Exodus, chapter 28. Exode, chapitre 28. Verses 1 to 2. Les versets 1 à 2. The subtitle says the priestly garment. Le sous-titre, le vêtement sacerdotal. The priestly dressing. La garde-robe sacerdotale. The priestly clothing. L'habillement sacerdotal. And so listen to what he says here. Et alors, écoutez ce qu'il dit ici. Have Aaron, your brother, brought to you from among the Israelites. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël. Along with his sons Nadab and Abihu. Avec ses fils Nadab et Abihu. Eleazar and Ithamar. Eleazar et Ithamar. So they may serve me as priests. Pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Verse 2 is for the vision we just described. Le verset 2, c'est pour la vision que nous avons juste décrit. And he says in verse 2, et il dit au verset 2, make sacred garments for your brother Aaron. Fais des vêtements sacrés pour ton frère Aaron. To give him dignity and honor. Pour lui donner dignité et honneur. And then the Lord goes on to describe how the skilled people should make the garments. Et alors le Seigneur va plus loin pour décrire comment les gens habiles feront le vêtement. The Lord is telling us here. Le Seigneur nous dit ici that when he wanted Aaron to appear before him. Que quand il désirait que Aaron apparaissent devant lui. Let me explain this. Laissez-moi expliquer cela. Aaron was going about his life. Aaron allait avec sa vie. And everything was all right. Et tout allait bien. Just going, going, doing life. Juste allant, faisant sa vie. Just going about life. Il faisait sa vie. But when the moment arrived, mais quand le moment est arrivé, when now the Lord wanted Aaron to appear before him. Que maintenant le Seigneur désirait que Aaron apparaisse devant lui. Then the Lord said, come on now. Alors le Seigneur a dit, viens maintenant. I need the following instruction instituted. J'ai besoin que ces instructions suivantes soient instituées. When it was time for now Aaron to appear before the Lord. Quand c'était le temps que maintenant Aaron apparaisse devant le Seigneur. Then the Lord now says, que le Seigneur maintenant dit that he cannot appear except that he's given a garment. Qu'il ne peut pas apparaître sauf si un vêtement lui a été donné. But the Lord is talking to me. Et le Seigneur me parle in two visions I described here, dans les deux visions que je décris ici about the garment, à propos du vêtement. And in one of the visions, et dans une de ces visions, the way he lifted me up, de là où il m'a élevé, I can see the church before the throne of God. Je peux voir l'église devant le trône de Dieu. That in the past, que dans le passé, vous avez tourné en rond avec vos vies, c'est bon, juste comme ça. Going on with your life. Juste allant dans votre propre vie. Going here, going there. Allant de ci, de là. But the moment has now arrived. Mais le moment est maintenant arrivé. When you cannot continue like that. Où vous ne pouvez pas continuer comme ça. Why is the Lord saying so? Pourquoi est-ce que le Seigneur dit cela? Because the Lord is saying, parce que le Seigneur dit that the moment has now arrived, que le moment est maintenant arrivé, when the church must present herself before the Lord. Que, où l'Église doit se présenter elle-même devant le Seigneur. The moment has arrived, le moment est arrivé, when the church must now appear, où l'Église doit maintenant apparaître. You must now appear. Vous devez maintenant apparaître. And if you have to appear. Et si vous avez à apparaître, now there have to be instructions here. Maintenant, il va y avoir des instructions ici. Because he says, parce qu'il dit, now on this matter of appearing. Maintenant, dans cette matière d'apparaître, we must now follow the protocol of God. Nous devons maintenant suivre le protocole de Dieu. You may have been going on like this. Vous pouvez avoir été comme ça. Going walking around whistling. Marchant là, allant autour, sifflant. Entering the church whistling. Entrant à l'église en sifflant. Some of your preachers pocket when they're preaching. Quelques-uns de vos prédicateurs ont les mains dans les poches pendant qu'ils prêchent. You may have been appearing in a casual way. Vous pouvez être apparu dans une manière désinvolte. Pocketing. Les mains dans les poches. Walking around whistling. Tournant en rond, sifflant. Hey, that kind of situation. Dans cette sorte de situation. But the Lord is saying, mais le Seigneur dit that when you look at the clock of God, que quand vous regardez à la pendule de Dieu, when you look at the time in heaven, the clock in heaven, quand vous regardez au temps dans les cieux, la pendule des cieux, if you were allowed, si vous teniez compte, to see the watch of God and to look at the time, et que vous voyez la pendule de Dieu et que vous regardiez au temps, you begin to understand, vous allez commencer à comprendre that actually this is the moment to appear now, que actuellement c'est le moment d'apparaître maintenant. You must begin to appear now. Vous devez commencer à apparaître maintenant. And if you're going to appear, et si vous allez apparaître, then I say, hey, just a moment. Alors je dis, hey, juste un moment. Not like that. Pas comme ça. Let us first discuss the protocol of appearing. Discutons premièrement du protocole pour apparaître. They do it. Ils ont fait ceci. They do it so much. Ils l'ont fait tellement. They dance, huh? Ils dansent. Miniskirts, watch tight trousers. You know, she has been living and doing things. Mini-jupes, des habits serrés. Elle a été en train de vivre et de faire des choses. But the Lord is saying, mais le Seigneur dit, that if you look at the clock of God right now, si vous regardez à la pendule de Dieu juste maintenant, it is now time to appear. C'est maintenant le temps d'apparaître. And that's why the most important message, et c'est pourquoi le message le plus important, that came out of the vision of July 29, qui ressort de la vision du 29 juillet, is that when I looked, c'est que quand j'ai regardé, the church had appeared. L'église était apparue. She appeared before him. Elle était apparue devant lui. And she had to appear in a certain way. Elle avait à apparaître d'une certaine manière. Aaron was walking around the camp. Aaron marchait autour du camp. And nothing was wrong. Et rien n'allait mal. But when the time arrived, mais quand le temps est arrivé, for Aaron to now appear, pour Aaron de maintenant apparaître, it's as if everything changed. C'est comme si toutes choses ont changé. It's as if Aaron had been actually walking naked before. C'est comme si Aaron a marché nu avant. You didn't hear me. Vous ne m'entendez pas. It's as if, c'est comme si the church, l'église, had been naked for some time, a été nue pour quelque temps. And the Lord told Moses, et le Seigneur a dit à Moïse, that if Aaron is going to appear, si Aaron va apparaître, you must now prepare for him a cloth. Tu dois maintenant préparer pour lui un habit. A cloth, un habit that is consistent with the throne of God, qui est compatible avec le trône de Dieu. A cloth, un habit that meets the requirements of Jehovah. Ça signifie l'exigence de Jéhovah. And you, oh, I have not read for you. Je n'ai pas lu pour vous. He described the details. Il a décrit les détails. He said you shall get a skilled man. Il a dit, tu dois trouver un homme habile. Which means I'll put a skill on somebody here. Ce qui signifie, je vais mettre de l'habilité sur quelqu'un ici. And the skilled people, et les gens habiles, will begin to stitch the tunic, vont commencer à coudre la tunique. The vestment, the vest. Le vêtement, le gilet. And then the outside one. Et ensuite, ceux du dehors. He's supposed to open up here and make some onyx. Et comment il est censé l'ouvrir en haut et faire quelques onyx? There is a full detail. Il y a beaucoup de détails. Et Jéhovah, he goes through every detail. Il va à travers chaque détail regarding the making of that garment. Concernant la confection de ce vêtement. And that tells you, et ça vous dit that is so important to Jehovah. Que c'est si important pour Jéhovah. It is so critical to him. C'est si critique pour lui. That everything go right. Que toute chose aille droitement. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. And he says, et il dit that before Aaron can appear, que avant que Aaron puisse apparaître, he must be clothed. Il doit être vêtu. And that garment, avec ce vêtement. And then now appear. Et ensuite apparaître. C'est les instructions du protocole. But I want to talk to the church. Mais je désire parler à l'église. He lifted me up. Il m'a élevé. And I saw. Et j'ai vu. I thank God I saw. Je remercie Dieu que j'ai vu. I saw her appearing. Je l'ai vu apparaître. And when I saw her appearing, mais quand je l'ai vu apparaître, I saw certain things about her appearing. J'ai vu certaines choses à propos de son apparence. One of the main things I saw, une des choses principales que j'ai vues, the glorious nature of her appearing there. Était la glorieuse nature de son apparence là. The glorious garment she wore to appear. Le glorieux vêtement qu'elle vêtait pour apparaître. I am not yet talking about the worship. Je ne parle pas maintenant à propos de l'adoration. Remember, that's another message also there. Souvenez-vous, c'est aussi un autre message ici. Why did the Lord in the vision, pourquoi est-ce que le Seigneur a fait dans la vision, make them worship together. Les faire adorer ensemble. In unison. En unisson. Together in unison. The unity of faith, the unity. Ensemble en unisson. L'unité de la foi en unité. Unity. L'unité. You didn't get some people going this way, others going this. Il n'y a pas de gens qui vont dans un chemin et d'autres dans l'autre côté. You didn't get some people worshiping going this way, another going. You didn't get some kind of confused worship. Vous n'avez pas certaines personnes qui adorent allant ce chemin, d'autres allant un autre chemin. Vous n'avez pas quelque sorte d'adoration confuse. I am not yet there. I have not reached there. Je ne suis pas ici maintenant. Je ne suis pas arrivé ici. I want to finish with this issue here. Je désire finir avec cette issue ici. When I looked, quand j'ai regardé, she appeared in a garment. Elle était parue dans un vêtement. And when I read to Moses here, et quand je lis Moïse ici, regarding Aaron, concernant Aaron, he also appeared in a certain way. Il est aussi apparu dans une certaine manière. But I see one thing. Premièrement, je vois une chose. Let's begin from Genesis. Commençons par Genèse. When the Lord was making for them a clothing, quand le Seigneur faisait pour eux des habits, after the fall, après la chute, long tunic, long. Une longue tunique, longue. One of the words I picked is long. Un des mots que j'ai pris là, c'est long. And when he lifted me and I saw, et quand il m'a élevé, alors j'ai vu, I also saw the train, the long part. J'ai aussi vu la traîne, la partie longue. Precious people. Précieux peuple. What is the Lord saying? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? The Lord is saying, le Seigneur dit that the time to appear has arrived. Que le temps d'apparaître est arrivé. And now, et maintenant, we have to prepare. Nous avons à nous préparer. For Aaron, pour Aaron, the Lord says, some skillful men in the camp. Le Seigneur dit quelques hommes habiles dans le camp. The Lord, le Seigneur, the Lord told Moses, le Seigneur a dit à Moïse, that there are going to be some skillful people. Qu'il y aura quelques personnes habiles. He was going to raise forth people with skill. Il va préparer des gens habiles. So they can be able to prepare that garment. Alors il peuvent être capables de préparer cette robe. So when Moses gave the instruction, alors quand Moïse a reçu les instructions, there were people the Lord had anointed. Il y avait des gens que le Seigneur avait oints to execute the instruction without error. Pour exécuter les instructions sans erreur. Because it is about appearing. Parce que ça concerne l'apparence. And today, ensuite, aujourd'hui, I am talking to you, je vous parle about the church appearing. À propos de l'apparence de l'Église. I am telling you, je vous dis that I have seen her appearing. Que je l'ai vue apparaître. But excuse me. Mais excusez-moi. Who will make her garment? Qui va faire son vêtement? Who is the skillful one? Quel est celui qui est habile? That is going to help her. Qui va pouvoir l'aider? And make her garment. Et faire son vêtement. To the detail. Pour le détail. And accuracy. Et la précision. Who will do it for her? Qui va le faire pour elle? Alléluia. Alléluia. Who will make for her? Qui va le faire pour elle? Who? Qui? Because she has to appear. Parce qu'elle doit apparaître. The church has to appear. L'église doit apparaître. So listen, precious people. Alors écoutez, précieux peuple. The church has to appear. L'église doit apparaître. I have seen her appearing. Je l'ai vue apparaissant. But the Lord is saying, mais le Seigneur dit, who will make her garment? Qui va faire son vêtement? Because the protocol has to be observed. Parce que le protocole doit être observé. Has to be followed. Doit être suivi. So now when she's appearing, alors maintenant, quand elle apparaît, who is going to make her garment? Qui va faire son vêtement? In the time of Moses, au temps de Moïse, he anointed some people with skills. Il a oint quelques personnes avec habileté. Skillful people. Des personnes habiles. Right away you begin to understand. Juste après, vous commencez à comprendre that there is a skillful one. Qu'il y a quelqu'un d'habile that has been sent to the church. Qui doit être envoyé à l'église. There is a skillful one. Il y a quelqu'un habile. You don't have to weep. Vous n'avez pas à pleurer. You don't have to mourn. Vous n'avez pas à vous lamenter. Say, oh, who will do it for us? Et dites, qui veut le faire pour nous? There is a skillful one. Il y a quelqu'un d'habile. His name is the Holy Spirit. Son nom, c'est le Saint-Esprit. He has been sent. Il a été envoyé with skills. Avec de l'habileté and the anointing. Et avec l'onction to follow the instruction. Pour suivre les instructions. That when the church appears, pour qu'au moment où l'église apparaît, when she presents, quand elle se présente, she may present right. Elle peut se présenter juste. That's the first message. Ça, c'est le premier message. In other words, en d'autres mots, Jehovah, the Father of Christ, Jéhovah, le Père de Christ, he has sent me here, il m'a envoyé ici to ask her, pour lui demander that, hey, hey, I have seen you going around doing everything and anything. Je t'ai vu aller là autour faisant n'importe quoi et toute chose, singing every song under the sun, chantant tous les chants sous le soleil. Some of your sons, quelques-uns de vos fils, they wear a hat facing backwards, ils mettent leur casquette dans l'autre sens, and a sagging trouser, et des pantalons qui s'affaissent, and they appear on TV, et ils apparaissent à la télévision, saying Christian gospel, disant des gospel chrétiens. And they do their heads like that. So you have been doing everything and anything under the sun. Alors, vous êtes en train de faire toutes choses et n'importe quoi sous le soleil. But the Lord has sent me now here. Mais le Seigneur m'a envoyé maintenant ici to ask important question. Pour demander une question importante. That now that the time for appearing is here. Que maintenant le temps d'apparaître est là. Who is the skillful one? Qui est celui qui est habile? Who will make your garment? Qui va vous faire un vêtement? Because if I look very carefully, parce que si je regarde très attentivement, and hear the Lord sending me to ask, et entendre le Seigneur m'envoyer pour demander, then I realize, ensuite j'ai réalisé that the Lord is totally justified to ask, que le Seigneur est totalement justifié, que le Seigneur est totalement justifié en demandant. Because when I look again, parce que quand je regarde encore, your countenance, your appearance, votre contenance, votre apparence is like, est comme you have abandoned the skillful one. Si vous aviez abandonné celui qui est habile. And that's why now he sent me here. Et c'est pourquoi maintenant il m'envoie ici. To ask you. Pour vous demander. Hey. Hey. Who will make your garment? Qui va faire votre vêtement? The church in New York. L'église de New York. The church in the US. L'église aux USA. When I watch on Christian TV. Quand je vous regarde à la télévision chrétienne. I open. J'ouvre. And shut it immediately. Et je ferme immédiatement. I open and shut. J'ouvre et je ferme. The church in Europe. L'église en Europe. When I watch you. Quand je vous regarde. I see that you have forgotten the skillful one. Je vois que vous avez oublié celui qui est habile. How come you don't know? Comment vous ne pouvez pas savoir that the Bible describes. Ce que la Bible décrit. We may not read it, but let me tell you what it says. Nous pouvons ne pas le lire, mais laissez-moi vous dire ce qu'il dit. The Bible describes. La Bible décrit the details of the garment. Les détails du vêtement. The embroideries. Il y a des broderies. It says, and then when she wears that, she'll be like a jewel, something old and beautiful, whatever name it. Il dit ensuite, quand elle porte cela, elle sera comme un joyau, quelque chose de doré et beau, quoi que ce soit, nomme-le. The Bible describes the details of the embroideries, the gold and the what, the rings, everything, the details. La Bible décrit les détails des broderies, l'or, les anneaux, toutes choses, les détails. If their phone is here, s'il y a des tailleurs ici, they will understand how difficult it is to do embroideries. Ils comprendront combien c'est difficile de faire une broderie. Very carefully, delicately. En faisant très attention, très délicatement. But when I look at you, Nairobi, mais quand je regarde à vous, à Nairobi, the church in Europe, l'église en Europe, the church in Australia, l'église en Australie, the church in Hyderabad, India, l'église d'Hyderabad en Inde, the Lord is asking a major question today, le Seigneur demande quelque chose d'immédiat aujourd'hui. That when I see you, quand je vous vois, I see neglect. J'ai vu de la négligence. I see negligence. J'ai vu de la négligence. I see abandonment. J'ai vu de l'abandon. That you have abandoned the skillful one. Que vous avez abandonné celui qui est habile. Why do I say so? Pourquoi est-ce que je dis cela? Listen. Écoutez. Because if you will have the skillful one, parce que si vous voulez avoir celui qui est habile, operating in your life, si vous voulez qu'il opère dans votre vie, there are certain things he will tell you not to do. Il y aura certaines choses qu'il va vous dire de ne pas faire. He will say, il va dire, hey, shh. Hey, shh. Stop the noise. Arrête ce bruit. No, no, stop that. Non, non, arrête ça. Aren't you aware that I'm trying to make a garment for you? Est-ce que tu n'es pas au courant que je suis en train de faire un vêtement pour toi? Stop looking left or right. Arrête de regarder à gauche ou à droite. We are going there. We are going straight there. Nous sommes en train d'aller là. Don't look here. Don't hear this. We are going there. Ne regarde pas là. N'écoute pas ceci. Nous sommes en train d'aller là. I'm here to prepare you and take you there. They're just straight there. Je suis envoyé pour vous préparer ici. So we need to focus there, there. Where are going there? Alors, on a besoin de se concentrer là où ils sont en train de descendre. But if you look at the church today, alors, si vous regardez à l'église aujourd'hui, when she hears a noise this side, quand elle entend un bruit de ce côté, hey, est-ce que tu as entendu quel feu il y avait là? Nous avons vraiment dansé là. When she looks like, whapping, whapping. Et ensuite elle demande, où? Où? He said, hey, don't look, those are noises. Il dit, hé, hey, ne regarde pas, ce sont des bruits. For us, we're going right there. We're going straight there. Pour nous, nous allons juste là, nous allons droit là. The Lord is saying, le Seigneur dit that there are certain features, qu'il y a certaines figures, you ought to have, que vous devez avoir. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. The skillful one, celui qui est habile was sent to the church a été envoyé à l'église to tell the church pour dire à l'église that behold, you are the royal bride. Que voici, vous êtes la royale épouse. You are not an ordinary bride. Vous n'êtes pas une épouse ordinaire. You are a kingly bride. Vous êtes une épouse royale. You are a royal bride. Vous êtes une épouse royale. And as you are a royal bride, et comme vous êtes une épouse royale, there are certain requirements of royalty. Il y a certaines exigences dans la royauté. You know the way it's difficult to remove a boy from the village. But it's so difficult to remove the village from the boy. Vous savez combien c'est difficile de déplacer un garçon d'un village, mais c'est si difficile de déplacer le village du garçon. You put him in a palace. Vous le mettez dans un palais. But again, you see, when he's supposed to do certain things, you find he does another thing, something that is totally strange and out of order. Mais encore, vous voyez, quand il est supposé faire certaines choses, vous le trouvez faire autre chose, quelque chose qui est totalement étranger et en dehors de l'ordre. I know that we were chokoras. Je sais que nous étions des garçons de la rue. Abandoned. Abandonnés. No destiny. Sans destinée. No future. Sans futur. No direction. Sans direction. And then the king came. Et ensuite, le roi est venu. And he said, hey, et il a dit, hey, I decree now, je décrète maintenant that you are royal bride, que vous êtes l'épouse royale. I know that we may have problems handling that. Je sais que nous pouvons avoir des problèmes à supporter cela. But let us not spoil for the kingdom. Because if the royal families are walking in a straight line, parce que si la famille royale marche d'une manière droite. Let us not walk zigzag. Ne marchons pas en zigzag. Let us walk straight. Marchons d'une manière droite. Did you understand me? Est-ce que vous me comprenez? You know, when the royal family appears, vous savez, quand la famille royale apparaît, everybody's gathered, they are watching them. Tout le monde est rassemblé, ils les attendent. Les gens courent avec leurs caméras. Radio people. Les gens de la radio. So anything you do wrong will be magnified. Alors, quoi que ce soit que vous fassiez mal va être grandi. All I'm saying, tout ce que je dis, is that the Lord has sent me to the church, et que le Seigneur m'a envoyé à l'église, to tell her, please take it easy, pour lui dire, s'il te plaît, détends-toi, prends du large. I know that you cannot handle the news that you are a royal bride. Je sais que tu ne peux pas maîtriser la nouvelle que tu es une épouse royale. But just calm down and follow the protocol of royalty. Mais juste descends et suis le protocole de la royauté. And prepare yourself for the kingdom you already accepted. Don't worry. Et prépare-toi pour le royaume. Tu es déjà accepté. Ne t'en fais pas. But to go out there. Mais pour sortir. And start saying, oh, you see, he is the king of kings and we are the kings. Et dire, oh, vous voyez, c'est le roi des rois et nous sommes les rois. As we are the king, be the king of kings. Comme nous sommes les rois du roi des rois. So bring here your money quickly here. Alors apporte ton argent vite ici. To the kingdom. Pour le royaume. No, that is something else. Non, c'est quelque chose d'autre. All I'm saying, tout ce que je dis, is that nobody can steal away your treasure. C'est que personne ne peut voler votre trésor. So all you need to do, alors, tout ce que vous avez besoin de faire, is to make sure you occupy your seat which has been set. C'est d'être sûr que vous occupez le siège qui a été préparé pour vous. Your seat has been set and behind the seat is written reserved and the royal bride. Votre siège a été préparé et derrière le siège, c'est écrit réservé pour l'épouse royale. So let us get out of the hangover, the watch, the drinking all night, whatever, because we can't handle it. Alors, sortez hors de la gueule de bois, de boire toute la nuit, n'importe quoi, parce qu'on peut le gérer. Let us just be sober and prepare gloriously that we may take up the rightful place. Soyons juste sobres et préparons-nous glorieusement pour que nous puissions prendre la place légitime. Now listen to this. Maintenant, écoutez ceci. Very carefully. Très attentivement. I am going to read another scripture. Je vais lire un autre texte. And then you will get the details of the instructions. Et alors, vous allez recevoir les détails des instructions. Something tells me, quelque chose me dit, that when he lifted me up, que quand il m'a élevé, and I saw them appearing, et quand je les ai vus apparaître, and they were worshiping in such beauty of worship. I have never seen a most beautiful worship. Et qu'ils étaient en train d'adorer dans une belle adoration, j'ai jamais vu une si belle adoration. Something tells me, quelque chose me dit, that however much, que combien you may watch the video, the DVD many times, vous pouvez voir de vidéos et de DVD combien de fois, how they are doing it, eh? Et comment ils sont faits. Something tells me, quelque chose me dit, however much you may watch that DVD, quel que soit le nombre de fois que vous regardez ces DVD, of how they go this side, et comment ils vont de cette manière together, ensemble, to go farther again, pour aller encore plus loin, how they come back to the center, comment ils reviennent au centre, they go back just adoring him, et retournent pour l'adorer. Something tells me, quelque chose me dit, that if you were taken, que si vous étiez enlevé, someone take you, I catch you and take you, quelqu'un vous prend, je vous touche et vous enlève, and put you there, et vous met ici. However much you have learned it, your trainer has trained you how to do it many times. Peu importe combien vous l'avez étudié, votre entraîneur vous a entraîné. And then you are put with them there. Et ensuite vous avez été mis avec eux là. And they go this way. Et ils vont dans cette direction. Then you also go this way. Et ensuite vous aussi vous allez dans cette direction. They come back. Ils reviennent. You also go this way. Vous aussi, vous prenez le même chemin. Something tells me, quelque chose me dit, that if I took you with that skill, si je vous prenais avec cette habileté, and put you there, et vous mets là, then I stood here to watch, et ensuite je me tiens là pour regarder, if you did not wear the same garment as they do, si vous n'avez pas vêtu le même vêtement qu'ils ont, however much you go together, mais combien vous allez ensemble, everybody said, look, look, he's also doing, remove him. Tout le monde va dire, regardez, regardez, il le fait aussi, enlevez-le. You'd have to be removed. Vous aurez à être enlevé. But something tells me, mais quelque chose me dit, that even if you may not know all the movements, que même si vous ne savez pas tous les mouvements, then I took you, et que je vous prends, and put you among them, et vous mets parmi eux, in the middle there, au milieu là, as they go this way, you also move in the general direction, comme ils vont, vous déplacez aussi dans la direction générale, general direction, dans la direction générale. Nobody can notice, personne ne peut le noter, that something is wrong, que quelque chose ne va pas. What am I saying? Ce que je veux dire, I'm saying that the wedding garment, je veux dire que le vêtement de noces, is the benchmark of heaven, c'est le standard du ciel. The wedding gown, la robe de noces, is the passport for going there, est le passeport pour aller là. So you may forget everything else. Alors vous pouvez oublier toute autre chose. You may get every skill. Vous pouvez obtenir toutes les compétences. The pastors, they train you. Les pasteurs peuvent vous entraîner. How to do financial management in the church. Comment faire des directions financières dans l'église. How to plant flowers by the door of the church. Comment planter des fleurs autour de la porte de l'église. How to receive guests who have arrived in big cars. Comment recevoir des invités qui arrivent dans de grosses voitures. And receive them and bring them to the front seat. Et les recevoir et les amener sur les sièges qui sont devant. How to jump or whatever. Comment sauter ou quoi que ce soit d'autre. But without the wedding garment, mais sans l'habit de noces, you cannot appear. Vous ne pouvez pas apparaître. That's why I'm here. C'est pourquoi je suis ici. And I'm here to say, et je suis ici pour dire that please, que s'il vous plaît, embrace the skillful one. Embrasse celui qui a les compétences. Receive him. Recevez-le. That he may begin building the garment in your life. Pour que vous puissiez commencer à construire le vêtement dans vos vies. Let us read the second part. Lisons la seconde partie. Leviticus, the book of Leviticus. Lévitique, le livre des Lévitiques. Leviticus, chapter 16. Lévitique, chapitre 16. In other words, you see that inside that vision is the message of the Holy Spirit. D'autre part, vous voyez que À l'intérieur de cette vision, il y a le message du Saint-Esprit. Il dit that when the time to appear arrive, quand le temps d'apparaître arrive, now we must meet the Holy Spirit. Maintenant, nous devons rencontrer le Saint-Esprit. When the time to appear arrive, quand le temps d'apparaître arrive, we must now need the Holy Spirit. Nous avons besoin maintenant du Saint-Esprit. There's no question about it. Il n'y a pas de question à propos de ceci. No discussion. Pas de discussion. No bargain. Pas de négociation.